Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Jean-Marie Perrier. Bonsoir Jean-Marie Perrier. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines pour préparer cette émission, vous m'avez dit, vous me l'aviez déjà dit au téléphone, chic, France Culture, on va pouvoir parler d'autre chose que des années 60, que des photos pour saluer les copains, etc. Et puis on s'est rencontrés, donc et très vite, reconnaissez-le Jean-Marie Perrier, vous avez parlé des années 60, et pourquoi ne pas les évoquer? Ce serait quand même un petit peu triste. C'est ma faute, dès le départ. Là. Oui, ah bah, vous êtes impliqué. Non, mais bien sûr qu'il faut les évoquer, bien sûr. C'est pas ça le problème, c'est que souvent, on me pose toujours les mêmes questions. Donc, ça fait 25 ans que je dis les mêmes choses. C'est pour ça que je commence à fatiguer un peu. Mais sans ça, je vais pas renier ces années qui sont incontestablement les plus belles de ma vie. En tout cas, je ne sais pas si c'est les plus belles, mais en tout cas, vous avez, il y a des photos prises par vous qui sont tellement emblématiques, tellement belles, tellement réjouissantes. Et on est tellement dans les années 60, on dirait à des jeunes que c'est les années 90. C'est pas, peu importe, c'est des belles photos en soi. La preuve, c'est qu'elles ont trouvé un refuge, parce qu'elles ne se sont jamais perdues, mais elles ont trouvé. Alors, il y avait une actualité en début d'année à la Grande Arche de la Défense, oui. À l'ouest de Paris. Ça s'appelait Souvenirs d'avenir. Voilà. Et puis, alors il y a des livres, il y a tout ce qu'on veut pour retrouver les photos de Jean-Marie Perrier. Puis aussi un musée au cœur de l'Aveyron. À Villeneuve d'Aveyron, qui est mon village, enfin d'adoption. Oui, parce qu'il y avait ça fait 25 ans que je suis là-bas, mais il y avait c'était un ancien musée d'ailleurs, dans ce village du XIIIe siècle, un bâtiment du XIIIe également. Absolument magnifique et vide. Donc, je leur ai proposé, écoutez, peut-être que si on mettait mes photos des années 60, qui, finalement, ont l'air quand même de plaire beaucoup aux gens, puisqu'à chaque fois que je fais une exposition, ça marche du feu de Dieu. Bon, mais je suis très conscient que c'est pas pour moi qu'ils viennent. Ils viennent pour voir les gens qui les faisaient rêver quand ils étaient gamins. Il y a ça, et il y a aussi des jeunes gens, d'ailleurs, qui ont la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue, ce qui est une chose très étrange pour moi, je comprends pas très bien. Mais, toujours est-il que, donc j'aurais dit, bon, faisons ça. Et alors, ça a effectivement changé un peu la vie de ce très joli village, parce qu'avant, ils avaient 1000 personnes par an, et tout à coup, il vient des gens de partout, il y en a 10 000, donc ça change, enfin, les commerces marchent, et voilà, c'est vraiment bien. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ça pour leur renvoyer l'ascenseur, parce qu'ils m'ont quand même accepté, les Aveyronnais, ce qui n'est pas évident quand on est parisien et qu'on a fait l'erreur de montrer sa tronche dans le poste. Hein. Ça, c'est pas très bien vu. Mais alors, il y a 25 ans, vous êtes arrivé, Jean-Marie Perrier, dans l'Aveyron, sans doute sur la pointe des pieds. Attention, acceptez-moi, je ne vais pas du tout vous embêter, je ne vais pas faire venir Mick Jagger après-demain, Sylvie Vartan, etc. Et puis, quand même, vous leur créez un musée et du coup, ils voient arriver les fameux touristes qui peut-être ils n'avaient pas envie de voir. C'était demander aux commerçants, je crois qu'ils sont contents, au contraire qu'ils viennent, parce que les villages partout en France sont quand même vraiment en difficulté. Moi, je voyage beaucoup à cause des expositions, justement, que je fais partout, et mon spectacle et tout ça, je suis tout le temps sur la route. Donc, si vous voulez, je vois bien que les villages se meurent. Donc, c'est merveilleux de pouvoir contribuer à les aider à vivre, parce que c'est important, c'est quand même des gens, voilà, ils m'ont accepté, je les en remercie. Et quel était le musée précédent? Alors c'était un musée absolument magnifique, qui avait été fait par une dame dont le mari avait les moyens de lui faire une exposition. Il avait entièrement remis à neuf cet endroit, et elle montrait des objets de la vie quotidienne des Français depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était une somptueuse exposition, qui évidemment, comme il ne faisait aucune publicité ni rien, ça n'intéressait personne, ce qui est absolument dramatique d'ailleurs, parce que c'était vraiment un très très très bel endroit, et c'était magnifique ce qu'elle a. Et donc un jour, elle s'est dit, bon, moi, à chaque fois que quelqu'un rentre, ça me coûte 50 €, au mieux qu'on arrête. Donc ils ont tout retiré, et c'était vide. Voilà, donc on a remplacé le Moyen-Âge par les années 60, qui revient un peu au même d'ailleurs. Et qu'est devenue la collection? Je crois qu'ils s'en sont séparés. Ah. En tout cas, donc, on voit, alors on va pas citer tous les noms des chanteurs et des chanteuses que, des années 60 qui sont photographiés, qui ont été photographiés par vous, Jean-Marie Perrier. Vous n'avez jamais eu l'envie de refaire des photos un peu dans le même cadre, c'est-à-dire qu'avec... Si, j'en ai fait en réalité, j'en ai fait dans les années 90, parce que j'ai arrêté en 73 la photographie pour faire tourner Jacques Dutronc, parce que j'étais absolument fou de ce type, que je trouvais très rare, différent des autres. Bon, il me plaisait beaucoup, ce type-là, donc j'avais arrêté complètement la photo. Et comme je suis d'abord, un, quelqu'un de pas sérieux du tout, et que deux, je suis un dilettante, c'est-à-dire que je ne suis pas plus photographe que metteur en scène qu'écrivain, je fais les choses quand j'ai envie de les faire, et généralement à cause de quelqu'un ou pour quelqu'un. Bon, Dutronc, je voyais que c'était un acteur, et évidemment, à l'époque, les producteurs de cinéma, ça les intéressait pas, parce qu'ils ne croyaient pas aux chanteurs des années 60. Donc, je me suis bagarré pour ça. Et j'ai arrêté net. Et j'ai pas fait de photos pendant 20 ans, jusqu'au jour où, me retrouvant aux États-Unis, parce que je faisais des films publicitaires là-bas, puis j'avais toujours rêvé de vivre en Amérique. Bon, donc il faut payer un jour ces rêves. Hein. Bon, j'ai compris en habitant aux États-Unis pendant 10 ans, j'ai compris qu'en fait c'est pas l'Amérique que j'aimais, c'était les films américains. Je m'étais fait avoir par les films, en fait. Hein. Donc j'étais là-bas et j'étais un peu arrivé au bout. Et ma sœur Anne-Marie, qui dirigeait le journal Elle depuis bientôt 20 ans, m'appelle et me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? T'as qu'à revenir, j'ai un journal, t'as qu'à redevenir photographe. » Et hop, je suis revenu à Paris et je suis redevenu photographe grâce à ma sœur. Et là, ce qui est très amusant, c'est que les photographies que je faisais dans les années 60, c'était du spectacle. Hein, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Il y a des photographes très doués pour montrer l'état du monde et la réalité. Moi, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas le faire. Ce que je sais faire, c'est faire rêver les gens ou leur donner du spectacle. C'est ça qui m'intéresse. Donc, tout était mis en scène. Tout était faux et tout était plutôt amusant, d'ailleurs. Et tout à coup, je me retrouve dans les années 90, le 1er janvier 90, avec un journal quand même formidable, surtout à l'époque. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais enfin, quand ma sœur le tenait, ça avait une certaine tenue quand même, hein. Et tout à coup, je me retrouve en face des couturiers. Or, les couturiers sont, au fond, un peu comme les Rolling Stones en 65. C'est-à-dire que c'est les rockers actuels. C'est-à-dire ils ont à la fois le talent, l'intelligence, le goût et le pognon pour inventer leur vie. Alors que les rockers, eux, bon, bah, les rockers, ils ont des familles, des gosses, ça y est, c'est fini, quoi. Pour moi, le rock, c'est terminé. Et là, tout à coup, je vois ça. Et donc, je fais avec eux exactement le même genre de photos. J'ai fait aucun progrès. Hein. Passé direct de 73 à 90, pareil. Et j'ai fait des photos mises en scène avec eux. C'était formidable. Non, mais ce qui veut dire que vous aviez tout à inventer de votre propre art. Ça, voilà. Je me méfie toujours du mot art dans la mesure où... Non. Je veux dire, attendez. Il y a un musée Jean-Marie Perrier, donc Non, attendez. Écoutez, d'abord, un type. Je me méfie toujours des gens qui vous disent « Moi, je suis un artiste ». C'est pas à vous à le dire, c'est aux autres. Bon, si vous me le dites, je suis très touché. Le problème, c'est de surtout pas y croire. Mais je ne supporte pas les gens qui ont la panoplie. Vous savez, il y a des panoplies d'écrivains, d'hommes politiques, de banquiers, tout ça, c'est des panoplies. Je me souviens très bien que dans les années 70, au début, quand j'écrivais un film pour Dutronc, j'en ai écrit je sais pas combien, je crois que c'était le premier celui-là, j'écrivais avec une dame formidable qui s'appelait Monique Lange. Entre autres, il y avait eu d'autres gens. Hein. Et cette dame était très très amie avec Jean Genet. Ce qui fait que quand il venait à Paris, il habitait chez elle. Donc j'ai eu le privilège... Vers le Rex. Je me souviens plus tout, j'avoue. Toujours est-il que j'ai eu le privilège de passer trois mois à prendre mon petit déjeuner avec Jean Genet. Ben, je peux vous dire qu'il avait l'air de tout, sauf d'un écrivain, le mec. Hein, c'était un peintre en bâtiment, on aurait dit. Bon, ça me touche, et ça, là, j'y crois. Mais le type, avec les cheveux au vent, genre, je suis un artiste, méfiance. Bon, ben ça, c'est, on est dans les archétypes, les stéréotypes de l'artiste, tout ça. Alors, vous avez dit que vous n'êtes pas écrivain. Vous avez publié Enfant gâté chez XO Éditions. Alors, il y a eu deux ou trois éditions, donc c'est enrichi. Écrivain, c'est pas un passe-temps. Écrivain, c'est une vie entière. Moi, je suis un mec qui écrit des livres. Voilà. Je suis dans l'édition, quoi. C'est déjà ça. Ça s'appelle Enfant gâté, c'est votre histoire. Et on va parler de votre histoire au cours de votre nuit rêvée, Jean-Marie Perrier. Vous avez aussi aussi écrit des nouvelles, Près du ciel, loin du paradis, ça c'est chez Kalman Levy. Alors, vous avez parlé de votre sœur, bon, c'est une histoire de famille, et votre nuit rêvée aussi c'est une histoire de famille, parce que il va être question de Jacques Borel, il va être question de Françoise Hardy, de Réjeanne, François Perrier qui lit un texte d'Hemingway. Enfin, ça, c'est la première partie. Plus tard, dans la deuxième partie de votre nuit rêvée, il y aura une émission consacrée à Paul Jégoff, une autre à Pascal Jardin. Très bien. Et puis, très bien, vous ne découvrez pas, c'est votre choix, c'est vous qui m'avez donné des pistes. C'est bien. Mais tant mieux, vous allez écouter encore plus attentivement. Et puis, on terminera par un mardi du cinéma consacré à James Dean. Ça vous dit quelque chose? James Dean, je pense. J'en ai peur. Vous en avez peur. Réjeanne, j'ai cité, on reviendra sur Jacques Borel. Mais d'ailleurs, tout ça est la même histoire. C'est une histoire de famille. Vous êtes. Au-dessus de vous, il y a quelques artistes. Alors là, on peut dire. Oui, en fait, Réjeanne est mon arrière-grand-mère. C'est-à-dire, c'est la grand-mère de ma mère. Donc c'est vrai que c'est une lignée assez impressionnante. Parce que quand on sait qui est Réjeanne en 1900, c'est hallucinant. Il y a Sarah Bernard et Réjeanne. Oui, qui était plus jeune qu'elle de 10 ans, donc il y avait une confrontation permanente, mais c'est insensé de voir le succès que ces femmes avaient dans le monde entier. Je veux dire, quand Réjeanne allait à New York, ou au Brésil, ou n'importe où, c'était bourré à craquer. Elle était accueillie comme les Beatles, alors qu'il n'y avait ni téléphone, ni journaux, ni rien. Enfin, c'était incroyable. Et c'était quelqu'un qui était très en avant sur son époque. On dirait féministe aujourd'hui, mais enfin c'est quelqu'un qui inventait sa vie comme peu de femmes le faisaient à l'époque. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'au fond ma mère était comme ça aussi, Jacqueline Borel. C'était quelqu'un qui était extrêmement en avance sur son époque. Elle était belle comme le jour, elle avait un succès fou avec les hommes et elle aimait bien ça. Bon, c'était moi j'aurais rêvé d'être un mec et de rencontrer ma mère. Bon, le problème, c'était son fils, c'est un peu plus compliqué. Encore vous dites qu'elle vous prend comme ça, à un moment donné, elle vous dit ah, t'es beau quand tu es fatigué. Ça vous choque un peu. Mais oui, mais ça vous trouble. C'est une phrase de femme qui aime, c'est pas une phrase de mère, mais ça, elle s'en rendait pas compte. Parce qu'au fond, ma mère, elle attendait que je sois grand pour pouvoir enfin me parler. Elle savait pas très bien comment faire avec les enfants. Ce que je comprends très bien, d'ailleurs, on n'est pas du tout obligé de savoir comment élever des enfants. Ça, c'est encore des bêtises. On fait comme on peut. Bon, elle a fait comme elle pouvait. En se rendant pas compte parfois qu'elle pouvait être assez dangereuse parce que bon elle disait tout, elle me racontait tout, elle me disait les choses telles qu'elles étaient, peut-être à un âge où j'aurais préféré pas le savoir, et puis surtout un jour elle est partie. Bon, j'avais 7 ans et elle est partie. Bon, et avec mon frère qui avait 5 ans de moins que moi et ma sœur qui en avait 5 ans ma sœur et 3 ans mon frère, tout à coup on se retrouve tout seul dans cette grande maison de Neuilly qui était un hôtel particulier qui donnait sur la Seine, qui était un endroit absolument magnifique. Dieu merci, dans cette maison il restait mon père, François Perrier, qui est incontestablement l'homme à qui je dois tout, parce qu'une fois que ma mère est partie, ma mère, c'était un vide énorme, et mon père, c'était toute sa vie qui s'écroulait là. Et je sais pas si je vous l'ai raconté, mais ça c'est absolument merveilleux. Ma mère était partie, elle avait emporté beaucoup de choses en plus. Alors donc il y avait pas grand chose dans la maison, sauf les 3 gosses quoi. Et Louis Jouvet qui venait tout le temps à la maison vient le voir. Il rentre dans la maison, ça résonnait un peu. Il dit tu ne manqueras pas de place au moins. Et puis mon père était absolument effondré, en larmes. Et il lui a dit cette phrase sublime, il lui a dit « Mon petit François, un jour tu vas ouvrir les fenêtres et tu vas dire « Tiens, mais il y a des arbres, ce jour-là tu seras sauvé. » Magnifique. Et chez moi, dans cet endroit de Neuilly, tout le monde passait. Tous les acteurs passaient du cinéma, du théâtre, français, étranger. C'était extraordinaire, c'était une enfance merveilleuse en réalité, grâce à mon père. Et ma mère était un peu loin, enfin elle était à quelques rues. Est-ce qu'elle vous avait parlé de sa grand-mère, donc de Réjeanne ? Non, en fait pas tellement. Celui qui m'en a parlé, c'est son fils, le fils de Réjeanne, il s'appelait Jacques Borel. Que l'on va entendre dans quelques dizaines de minutes. Ah, quelle merveille, parce que c'était un homme évidemment extraordinaire à voir pour un môme, parce que d'abord il est très très beau, il faisait 1m90, il n'avait absolument jamais travaillé de sa vie, il trouvait ça d'une vulgarité absolument implacable, et puis il était ce qu'on appelait des boulevardiers, c'était un des derniers grands boulevardiers. Les boulevardiers, il y avait Tristan Bernard, Alphonse Allais, c'était des gens dont l'occupation était d'être brillant à table. Alors, il déjeunait dans des endroits magnifiques avec plein de gens. Et on dit, ah, Poirel a été très, très brillant. Il était donc, on l'appelait ça les boulevardiers parce qu'après, il descendait les grands boulevards pour retourner chez eux. Il était très proche de Proust. Et d'ailleurs, quand Proust parle de lui, ou il a écrit, je ne sais plus dans quel livre, quand Poirel vient me voir, je demande à la femme de ménage de bien fermer les fenêtres de peur qu'il ne s'envole. Poirel, le léger. Écrit Marcel Proust. Mais vous entendez donc votre grand-père, oui c'est ça, il ne faut pas que je me trompe, hein, Jacques Poirel, dans Plein Feu sur les spectacles du monde, c'est un entretien très très court, il est au micro de Marianne Monestier et il parle de la mort du soir où Réjeanne meurt. C'est alors, très rare, hein, alors, c'est très très rare, parce que moi j'ai essayé de faire avec Jacques Chancel, on voulait faire un documentaire sur lui, on a tourné 2 jours, mais il pleurait tout le temps, donc on n'a pas pu le faire. Jacques Poirel. Donc ça me touche d'entendre sa voix. Alors vous allez l'écouter, et tout le monde va le... On ne va pas dire ce qui est dans l'entretien, sinon ce serait un peu idiot, mais il est question du premier visiteur, en tout cas, qui vient d'apprendre la mort de, et c'est un certain Marcel Proust. Bon, Réjeanne, Jacques Poirel, donc ça c'est la famille, un profil, c'est le titre de l'émission, Françoise Hardy par Émile Noël. On part un petit peu dans tous les sens, c'est de ma faute. C'est comme ma vie. Jean-Marie Perry, mais voilà. Ma vie va dans tous les sens, il n'y a absolument pas de ligne directrice. Bon, puisqu'on sait que, bon, on ne vous parlait pas trop de Réjeanne, peut-être votre grand-père vous en parlait. Oui, mon grand-père m'en parlait, mais... Au fond, c'est des gens qui parlaient pas tellement. Il m'a peut-être pas tellement parlé de Réjeanne. En fait, je l'ai connu surtout en lisant le livre que Jacques Poirel avait écrit. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il ait fait de sa vie. Hein. Il a rien foutu à part écrire un livre en deux tomes qui s'appelle Fils de Réjeanne. C'est tout. Bon, c'est clair et net. Voilà, là, j'ai découvert tout cet univers extraordinaire de cette femme qui était une reine. Elle vivait comme une reine à Paris. C'était insensé. D'ailleurs, il y a un théâtre, le Théâtre de Paris, qui a été construit pour elle. Si vous y allez, il a porté son nom et il y a des très grandes peintures d'elle de l'époque. Non, c'est... Alors, elle avait créé Germinie la Certeux d'après le roman des frères Goncourt. Oui. Enfin, d'après, c'était une pièce d'Edmond de Goncourt d'ailleurs. Là, on la voit en photo par Nadar. Voilà, Nadar, quand même, c'est un ancêtre des photographes. Enfin, et puis, elle avait créé La Parisienne d'Henri Beck. Une maison de poupée en France, d'Ibsen, et puis Madame Sangène, surtout. Madame Sangène, qui a été vraiment son plus grand succès, je crois, d'ailleurs. Oui, elle est devenue là une immense vedette. Énorme. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bon, mais si vous voulez, c'est mais difficile de vous en parler au présent, parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Donc, je ne connais d'elle que ce que m'en a dit mon grand-père et des photographies, c'est tout. Et puis, elle est enterrée, votre père, François Perrier, est enterré à côté d'elle. Ah oui, bien sûr, parce qu'on a... De l'arrière de ça. Alors c'est la grand... Non, c'est quoi? C'est la... C'est son arrière... C'est sa grand-mère par alliance. Oui, oui. Bon, enfin, vous savez, ma famille est très compliquée, de toute façon. J'ai cru comprendre en lisant Enfant gâté, on sait à peu près tous la complexité de votre famille ou de vos naissances. Vos naissances, oui, c'est ça, c'est au pluriel, Jean-Marie Perrier. Françoise Hardy, alors, pour rester sur... Alors, Françoise Hardy, ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est que le hasard a fait que je me retrouve en face de cette jeune femme qui avait eu exactement la vie inverse de moi, l'enfance inverse de celle que j'avais eue. Parce que moi, j'ai eu toutes les chances. Moi, si vous voulez, j'allais jouer en face, de l'autre côté de la rue, de la route qui donnait sur la Seine, il y avait la péniche de Jean Cocteau et Jean Marais, j'allais jouer sur leur péniche, il y en avait une autre avec mon grand-père, justement, avec Jeanne Hyolt, qui était mariée avec Jeanne Hyolt. Et je voyais le monde entier. Tous les soirs, mes parents étaient au théâtre. Quand je rencontre Françoise Hardy rue d'Aumale, sa mère ouvre la porte, et là je vois une apparition, quoi, c'est-à-dire une fille d'une beauté absolument incroyable et qui ne le savait pas. Bon, il n'y a pas plus émouvant et plus séduisant pour un photographe, mais alors pour un garçon, je vous raconte pas, là c'est énorme. Et elle était là, comme ça, un peu avec... Elle n'était pas très bien habillée, elle n'était pas très, très à l'aise d'ailleurs, elle était une grande timidité. Et tout à coup, j'ai fait la première photo que j'ai faite d'elle, c'est dans sa chambre. Et dans sa chambre, il y avait un lit et une étagère avec des livres. Et tout à coup, j'ai réalisé en un quart de seconde la différence de nos enfances. Parce que sa mère était comptable, c'était un petit appartement, ça sentait pas c'était pas la pauvreté, mais c'était dans la gêne quand même, hein, c'était un peu compliqué. Alors que moi, bon, j'avais eu toutes les chances. Donc si vous voulez, ça m'a effectivement touché de voir, voilà, ton univers c'est ça, et elle arrive elle arrive quand même à aller voir une maison de disques et avec sa guitare et de décider de chanter. Mais il faut un courage incroyable quand vous réfléchissez, parce qu'elle ne connaissait personne. Hein. Alors tous ces mômes de l'époque, c'est ça qui m'a touché le plus. C'est que c'est des mômes qui sont partis de rien, la plupart d'entre eux. Hein, et qui ont, à force de courage, de talent, finalement, arrivent à faire une chose que moi, j'ai jamais été capable de faire. Parce que moi, au fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de quartier, quoi. Hein, je suis passé de Neuilly au 7e en passant par Los Angeles. Bon, hein, maintenant, je suis dans l'Aveyron. Mais moi, je connaissais les gens. Je connaissais les codes. Je connaissais les coulisses. C'est-à-dire que je connaissais la peur des acteurs avant de rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais plaire, le trac, tout ça, je connaissais par cœur. C'est pour ça peut-être que j'ai eu des rapports formidables avec tous ces jeunes gens des années 60 qui démarraient, parce qu'en réalité, j'en savais beaucoup plus qu'eux sur ce qui les attendait. Le succès, je connaissais par cœur, mais vu de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais des bons rapports avec eux aussi, parce que j'essayais pas de leur ressembler. J'essayais pas d'être eux. Parce que si vous voyez ce que c'était les Beatles ou les Rolling Stones, par exemple, tout le monde essayait d'être un Rolling Stone, quoi. Tous ces gens, dès qu'ils les approchaient, ils voulaient être eux. Alors, ils avaient des tifs jusque-là, ils se mettaient à givrer la tronche. Moi, non. Moi, je faisais des photos en cravate quand j'étais avec les Rolling Stones. Donc ça, peut-être que finalement, ça les rassurait de voir quelqu'un qui n'essaie pas d'être eux. Oui, vous étiez, et puis vous aviez un nom déjà, de toute manière. Ah non, pas du tout, ils ne savaient pas ça. Non, non, non, pas du tout. Peut-être non. Pas les Stones, les Stones ou les Beatles. Non, François Perrier. Ah oui, mais ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mais même Françoise, je veux dire, Françoise, quand je l'ai rencontrée, n'était jamais allée au cinéma de sa vie. Vous vous rendez compte? Je l'ai emmenée pour la première fois au cinéma. Je ne me souviens plus quel film on a vu d'ailleurs. Mais bon, donc pour eux, non, je n'existais pas. D'ailleurs, j'ai démarré avec eux. Moi, j'avais 22 ans, eux, entre 17 et 20. Et voilà, tout ce qui s'est passé dans les années 60 a été très, très vite. Et on a vécu ça ensemble. Donc, si vous voulez, les Rolling Stones, moi, quand je les ai rencontrés, ils n'avaient même pas enregistré le disque. Donc, vous voyez, après, on fait ce qu'on veut. Hein, et puis, tout ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'était pas sérieux. Ensuite, on avait peur de rien. Ensuite, on appartenait à cette génération de parents qui avaient connu deux guerres, parents et grands-parents, hein, qui étaient fatigués, qui voulaient un peu de tranquillité. Et moi, dans la rue, je voyais que des Antoine Pinet avec des imperméables tristes. Et puis sur l'écran, on voyait James Dean et Marlon Brando. Donc nous, on voulait être ça. On rêvait d'Amérique. Voilà, parce qu'à l'époque, l'Amérique faisait rêver. Donc tous ces mômes-là, on a vécu ça ensemble. Voilà, donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Parce que souvent, on me demande pourquoi tu fais plus de photos. Mais attendez, c'est fini, la fête est finie, mes amis, c'est terminé. Mon métier tel que je l'ai connu n'existe plus. C'est fini. Mais ça sera autre chose, hein. Alors, ce qui n'existait plus, c'était le couple de vos parents. Je ne vous apprends rien, Jean-Marie Perrier. En tout cas, on le lit dans Enfant gâté. Gâté étant une formule un petit peu... Oui, dans les deux sens. Oui. Ambigu, quand même. Enfin, voilà. Mais alors, en écoutant des tas d'émissions sur le site de Dina, comme ça, j'ai retrouvé un Don Juan. C'est avec deux comédiens, mais on est en 58, donc c'est bien après la séparation de vos parents, je crois. Ils s'entendaient bien quand même. Attendez, c'est pas, on fait pas de radio-réalité comme il y a de la télé-réalité. Non, mais on est entre gens bien élevés quand même. Mais vous êtes d'accord quand même pour les écouter tous deux. Et comment? Dans un extrait. Alors lui, c'est Lorenzo da Ponte. Il joue ce personnage. Mes hommages, madame. Comment c'est-vous, signor da Ponte? Vous vous cachez dans le noir comme un assassin? Je vous attendais. Vous pouviez venir me voir dans ma loge. Après le désastre de cette soirée, je n'ai pas osé. Pas osé? Oh, cela ne vous ressemble guère. Je ne tenais pas à me montrer au milieu de tous ces nids d'intrigues. Me permettez-vous de vous raccompagner jusqu'à votre porte? Si vous voulez. Nous pouvons prendre une voiture. Oh, il fait si bon ce soir, signor Marchand, voulez-vous? Vous avez une voix ravissante. Ne soyez pas banal. On n'est jamais banal quand on parle de la Ferrarese. On en parle trop, signor. Savez-vous que j'en souffre? Je le crois. Quand les langues se dénouent à Vienne, il n'en sort que du venin. Je viens moi-même d'en faire la triste expérience. Rassurez-vous, quand vous excitez la jalousie, c'est bon signe. Il faut s'y habituer, mais j'avoue qu'au début, ça vous donne un petit pincement au cœur. De la salle, j'observais la loge impériale du coin de l'œil. Castille paradait aux côtés du comte Rosenberg, il avait une façon de sourire qui me glaçait. Savez-vous qu'on fait courir un pamphlet contre vous dans la société viennoise ? Castille ? Vous avez deviné. On m'en a fait parvenir un exemplaire, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ce cher homme terminait son épître par « Anne, tu naquis, Anne, tu mourras ». Pour le présent, j'en dis peu, plus tard, j'en dirai davantage. La seule chose qu'il oublie, c'est qu'on n'abat pas un da Ponte avec quelques rimes. Bravo, signor, bravo. Mais vous-même, madame, j'ai surpris des bavardages. Oh, j'espère qu'on vous en a beaucoup appris sur le comte de la Ferrarese. Des choses abominables. Ils en crèveront, je le jure sur la Madone, ils en crèveront. Excusez-moi, signor, je m'emporte, ce n'est pas bien. Et j'ai un tempérament, comprenez-vous, je me maîtrise difficilement. Et pourtant, je devrais moi-même avoir l'habitude, je connais les propos que l'on fait courir sur moi. Par exemple, on trouve que je suis intéressée. Et moi, je vous trouve intéressante. On dit que j'ai mauvais esprit. Ceux qu'ils prétendent n'en ont pas. On parle de mon humeur, de mon méchant caractère. Ceux qu'ils disent en ont-ils. Mes défauts se comptent par milliers, mes juges en sont tellement persuadés que jamais ils ne croiront le contraire. Voilà à quoi cela sert d'être la Ferrarese. Ah, Seigneur, nous sommes d'un côté du monde où nous récoltons la pluie après avoir donné le soleil. Après tout, peut-être sommes-nous nés pour cela. Un extrait de l'illustrissime Don Juan, c'était dans l'émission Soirée de Paris, et ce texte est de Claude Denis, la réalisation est de Claude Dupont, première diffusion sur la chaîne nationale le 17 août 1958. Donc, la Ferrarese, Jacqueline Porel, Lorenzo da Ponte, François Perrier, en 58. Que faites-vous en 58, Jean-Marie Perrier? Ah, en 58, attendez, d'abord, faut que je vous dise que ça m'amuse beaucoup d'entendre ma mère, parce que la voix de ma mère, qui était, merveilleuse à beaucoup d'égards, très, très actrice d'ailleurs, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle m'a gâché tous mes films, parce qu'elle faisait beaucoup de doublage. Donc, quand j'allais voir Rita Hayworth, j'entendais maman, c'était un peu dur. Alors, en 58, j'avais été, Dieu merci, pris en main depuis 2 ans par Daniel Filipacchi. Ah, mais attendez, oui. Oh, malheureux, je vous fais aller trop vite, Jean-Marie Perrier, parce que je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Rétrogradons. Quand vous êtes pianiste, quand même, à un moment donné. Alors, j'étais musicien. J'étais musicien jusqu'à l'âge de 16 ans. Je faisais que ça, c'était ma vie. Même à 6 ans, dans les musiques. À 6 ans, dès l'âge de 6 ans, j'arrivais à jouer du piano. Oui. Je faisais du jazz, je faisais du classique, j'apprenais l'harmonie, tout ça. Bon, c'était ma vie, je pensais qu'à ça, j'entendais de la musique dans ma tête tout le temps. Quand il y avait des dîners le soir chez mon père, parce qu'après le théâtre, il y avait des gens qui venaient. Alors bon, c'était merveilleux, il y avait tous ces gens qui venaient en bas. Moi, je descendais, j'avais 11 ans, je descendais en pyjama, je me mettais au piano, je faisais un triomphe à tous les coups. Alors là, c'était gagné d'avance. À 1h du matin. Oui, bien sûr. Alors là... Donc, si vous voulez, ça, c'était ma vie jusqu'au jour où, bon, on va pas s'étendre là-dessus trop, mais j'ai appris que mon géniteur, celui qui avait eu une aventure avec ma mère, était noir, ce qui n'a aucune importance, mais il était musicien. C'était quand même un peu plus grave pour moi, ça. Parce qu'il faut vous dire que, chez moi, j'étais le seul à faire de la musique et le seul à comprendre la musique. Même mon père, pour lui, la musique, c'était la musique des mots. Mais à part la Marseillaise, je l'ai jamais vu intéressé par une musique. Donc j'étais un peu, si j'ose dire, une sorte de mouton noir à la maison. Et tout à coup, je réalise que donc je viens de quelqu'un qui est musicien. Alors ça m'a évidemment beaucoup, beaucoup travaillé. Et j'ai décidé d'aller le voir parce qu'il passait à l'Alhambra. J'ai vu une affiche dans la rue. J'ai vu un noir enroulé autour d'une guitare. Donc j'y suis allé. J'ai payé ma place. Oui. Mais ça, Jean-Marie Perrier, c'est pas un jour au cours d'un repas, on vous a dit tiens, à propos, voilà, tu es le fils de tout ça et tout. Ce serait non, mais écoutez, c'est compliqué à raconter. C'est, non, parce que je voudrais dans, pas que ma mère. Gâté. Je voudrais pas que ça, qu'on ait une mauvaise image de ma mère. Elle faisait ce qu'elle pouvait, ma mère. Bon, elle avait un amant qui était très beau, qui était pas bon, c'était pas un prix Nobel, mais il était très beau, il dansait très bien. Je les voyais souvent danser le soir, parce que j'ai ma mère dansait toutes les nuits au Club Saint-Germain rue Saint-Benoît. Donc j'allais la voir, c'était formidable. J'avais 11, 12 ans, je pouvais aller, hop, je disais, je viens voir maman, boum, je rentrais, hein. Et elle avait tous les musiciens de jazz. Et elle qui dansait avec ce type. Donc voilà, j'arrive chez elle. Pour la voir, puisqu'elle n'habitue, on n'habitait plus ensemble, donc je sonne et comme à chaque fois d'ailleurs que la porte s'ouvrait chez ma mère, la robe de chambre était toujours la même, mais quand je levais la tête du mec changeait souvent. Là, il se trouve que celui-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je dis, ah bon, très bien. Donc, je le connais. Il était très gentil. Je veux pas dire son nom parce que il en a peut-être pas envie. Je sais pas où il est d'ailleurs. Et donc, voilà, je rentre chez moi. Il me dit, elle est pas là, ta mère, mais tu viens, t'as qu'à l'attendre. Bon, or, je suis quand même chez ma mère. Lui, il est en robe de chambre, moi je suis habillé, donc si vous voulez, c'est curieux comme moment. Il sait pas quoi me dire, je le comprends. Bon, il avait dû voir que ma mère était très, très, très travaillée par cette histoire qui était une histoire dont on ne parlait pas. Je veux dire, être le fils de quelqu'un d'autre, c'est tout ça, on n'en parle pas. Et puis voilà, il sort une pochette de disque et il me la montre. Il me dit, voilà, ton père, c'est lui. Et il me montre une pochette de disque avec un noir qui joue de la guitare, bon. Évidemment, c'est un choc terrible parce que je prends ça dans la tête et c'est comme ça qu'après j'étais fou de curiosité. Donc je suis allé à l'Alhambra, j'ai payé ma place, je sais pas si vous voyez la scène. Bonjour madame, je voudrais voir mon géniteur. Donc j'exagère et je me retrouve dans la salle où c'était plein, bourré à craquer de gens qui passaient une très bonne soirée. Moi, je m'enfonçais dans mon fauteuil parce que sur la scène, il y avait 30 musiciens de jazz parce qu'à l'époque, ils faisaient pas le clown, hein. Il faisait pas, parce qu'il s'appelait Salvador, bon, en passant. Bon, il faisait pas le clown, il faisait du jazz, le mec. Il était en costard blanc, sa balance est dure et il était absolument génial. Ça, il faut bien le dire, extraordinaire. Mais moi, je prends ça dans la tête direct. Hein, ils étaient tous là très contents dans la salle. Moi, je m'enfonçais, hein. Et je suis sorti de là et c'est là que j'ai pris la décision la plus importante et pas forcément la plus intelligente de ma vie. J'ai décidé de couper tout ce qui ressemble à lui et de ressembler à mon père. Puisqu'il m'a adopté quand je suis né, je l'ai adopté à 16 ans. Et donc, voilà, je suis décidé de devenir mon père. Donc je me mettais en colère comme lui, je parlais comme lui, je bougeais les bras, je marchais avec les pieds 10h10. Enfin, j'essayais d'être blanc. À partir de là, si vous voulez, ma vie, elle est finie. Elle s'est arrêtée en 1956, ma vraie vie. Voilà. Depuis, je meuble. Je meuble agréablement, mais je vis une vie de dilettante, c'est-à-dire qu'en réalité, je peux et j'ai fait n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête, puisque je fais pas de musique. À partir du moment où je fais pas de musique, plus rien n'a d'intérêt vraiment. Donc je peux faire des photos, des films, des publicités, des livres, tout ça n'est pas grave. C'est uniquement pour quelqu'un, toujours, ou à cause de quelqu'un. Tout travail est devenu pour moi une sorte, l'important c'est de séduire, quoi, en gros, si vous voulez. Mais ma vie, elle s'est arrêtée là. Et tout à coup, la chance extraordinaire fait que mon père, vous voyez bien que j'allais très mal, mais on n'en parlait pas, hein, de cette histoire. Parce que mon père, il m'a adopté, il a vu que j'étais un peu bronzé, mais il a dit, bon, c'est mon gosse, on n'en parle plus, hein, terminé. Ben, c'était votre père, François Perrier. Absolument, voilà. Absolument. Mais vous l'en avez parlé quand même, vous l'avez dit une fois pour toutes. Et... Oui, mais c'était très compliqué comme... C'était très compliqué comme soirée, parce que c'est comme je l'attendais, oui, après le théâtre, je venais de prendre ça dans la tête et je voulais quand même, je savais pas trop bien comment m'en sortir de cette histoire, donc j'ai été l'attendre dans son bureau et puis il est rentré à 2h du matin. C'est typiquement mon père, il a même pas l'air étonné de me voir là, d'ailleurs, comment ça va mon grand? Et je lui ai dit, bah écoute, voilà, tu sais, je voulais te dire, pour mon père, je suis au courant. Et là, il s'est assis et il s'est mis à pleurer. Bon, donc, si vous voulez, on n'en a plus jamais reparlé jusqu'en 1984. Pour vous dire, c'est en 56, hein. Plus jamais un mot. Voilà, donc à partir de là, comme il me voyait complètement paumé, il a eu l'idée absolument extraordinaire. Il m'a dit, écoute, tu fous rien en classe. C'est vrai, j'avais redoublé deux fois. Je pensais qu'à la musique. Il me dit, bon, bah, écoute, je vais tourner un film avec Fellini à Rome. Bah, tu vas venir avec moi. Je vais t'emmener et ça te distraira, ça te changera les idées. Et là, je me retrouve à Rome avec mon père. Et là, il y a un type qui dit à mon père, parce que mon père disait à tout le monde, mais qu'est-ce que je vais faire de ce môme? Je ne sais pas quoi en faire. Il lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match. C'était un journaliste, c'était ça, on est les années 50, c'était ça. Et la chance, c'est que le type qu'il me présente s'appelle Daniel Filipacchi. Alors là, ma vie change du tout au tout. Et on va écouter une petite archive qui va vous replonger, non pas dans le moment où vous étiez à Rome, au moment du tournage des Nuits de Cabiria, puisque c'est ce film qu'il est question, dans lequel jouait votre père, François Perrier, mais quelques mois après, le film est sorti. Ce soir a lieu la présentation du dernier film de Federico Fellini qui s'appelle Les Nuits de Cabiria. Les Nuits de Cabiria est interprétée par Giulietta Masina, l'admirable interprète de la Strada, et par Amedeo Nazzari et François Perrier. Et je vais demander à Federico Fellini ce que représente ce film dans la série des films remarquables qu'il nous a déjà offerts, c'est-à-dire de la Strada, des Vitelloni et d'Il Bidone. Il représente un autre film. Mais Les Nuits de Cabiria est peut-être le film auquel je suis le plus sentimentalement attaché. Pourquoi? Parce que la petite prostituée qui s'appelle Cabiria, c'est la démonstration vivante qu'il est possible de conserver l'espoir d'un vrai rapport humain, même dans la nuit la plus angoissée. Toutes les aventures du film tendent à prouver à Cabiria le contraire. Mais je suis sûr que son espoir irrationnel est juste et que Cabiria aura raison. Donc ça c'est Federico Fellini et je ne vous l'apprends pas, Jean-Marie Perrier. C'était dans Paris vous parle au micro de Monique Berger le 11 mai 1957 sur Paris Inter. Ce qui fait qu'en effet, quelques mois auparavant, vous étiez vous, voilà, le fils de François Perrier, dans un coin en train de bouder peut-être. Oui, ça se trouve. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais là, il y avait une, je me souviens, c'était une nuit, il y avait, la place était entièrement éclairée par des arcs de mais cinéma. Mais dans Rome ou à Cinecittà? Dans Rome. Et j'étais là et je m'ennuyais un peu dans mon coin parce que je comprenais pas bien ce qui se passait vraiment. Et tout à coup, il y a Fellini qui passe avec des assistants, il passe comme ça, il me voit. Et moi, j'avais 16 ans, mais j'en faisais 11 hein, physiquement. Il va voir mon père, il lui dit « Ton fils, je vais l'emmener faire un tour ». Tu vois, et ça m'amuse, ça me touche beaucoup de l'entendre sa voix maintenant. Il m'a emmené dans sa voiture, tous les deux, on est partis. Il a dit, il a désigné aux assistants une avenue en leur disant, éclairez-la. Bon, comme ça, il en avait deux heures de boulot. Et il m'a emmené tout seul au forum. À l'époque, on pouvait rentrer comme ça direct. Et à la lumière de la lune, il m'a raconté l'histoire de Rome vue par lui. C'est-à-dire, j'aurais dû noter tout parce qu'il me racontait Satyricon. Hein, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit, tu sais, écoute pas les professeurs. Il m'a dit, Jules César, il était grand comme ça et c'était un con. Voilà, je me souviens, c'est tout ce dont je me souviens. Quel mec merveilleux. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il est capable de quitter une équipe énorme avec toutes les responsabilités que ça représente parce qu'il voit qu'un gosse s'ennuie. Bravo. Le fils de son interprète principal aussi. Enfin, oui, mais c'est surtout un môme qui s'ennuie qu'il a vu. Vous êtes ému comme ça en pensant à ce Federico Fellini, comme ça, cette année 56, ah oui, puis 57. Alors, dans cette première partie, on va aussi écouter donc une nouvelle, on terminera par ça, par Bonne Nouvelle Grand Comédien, émission de Patrice Galbaud. Il avait demandé à François Perrier de lire un texte d'Ernest Hemingway. Et j'ai écouté une autre interview de Jacques Porel, mais qu'on n'entendra pas cette nuit, mais on peut pas tout entendre, Jean-Marie Perrier, vous imaginez, où il dit qu'il a rencontré Hemingway, qu'il a essayé d'aller à la pêche avec lui. Enfin bon, il raconte aussi avec Charlie Chaplin, ils sont La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, c'était un déjeuner, on a déjeuné avec Georges Carpentier, tous les trois. C'était absolument extraordinaire de les voir tous les deux faire assaut de... Ils voulaient absolument m'étonner. Et je me souviens que après le déjeuner, Carpentier nous a dit « Venez prendre un café à la maison ». On est arrivé, il y avait un ascenseur. Il a dit « Non, mais prenez l'ascenseur, moi je monte à pied ». Il habitait au 6e, ce qu'il voulait, c'était arriver avant nous là-haut. Ça a marché. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Il savait que l'ascenseur était lent, peut-être. Oui. Alors, donc, pour cette première partie, je répète, Jean-Marie Perrier, on va entendre parler Jacques Porel, puis Françoise Hardy au micro d'Émile Noël, c'était en avril 1971, puis toute une émission de Béatrix Dussane sur... Votre marraine Dussane. Bon, alors, écoutez... Je ne l'ai jamais connue. Eh bien, vous allez l'entendre. Mais c'est ma marraine. Parlant de votre arrière-grand-mère. Quelle histoire de famille incroyable. Puis donc, je l'ai dit, François Perrier, 10 ans, un texte d'Ernest Hemingway. Et puis donc, par la suite, eh bien, dans la deuxième partie, Paul Jégoff, ça je l'ai déjà dit, Pascal Jardin, James Dean, quelques personnes et personnages, parce que James Dean c'est des personnages, en plus d'être une personne, qui vous ont influencé, Jean-Marie Perrier. Et puis vous nous direz comment, vous écrivez dans Enfant gâté, vous dites que l'adolescence n'existait pas dans les années 50. Non. Alors vous nous l'avez dit, à 16 ans vous aviez l'air d'un petit gamin de 11 ans, mais c'est pas simplement ça, c'est que les enfants n'avaient pas droit... Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'était nié dans les années 50. On était enfant et puis on devenait adulte un jour. Oui, on passait direct de la culotte courte au mariage, alors que en 60... Quand arrive toute cette vague des jeunes gens qui chantent du rock, tout à coup, l'adolescence prend le pouvoir. Ils sont reconnus, ils ont leur musique, leur danse, leur façon de s'habiller, leur argent de poche, ils deviennent une entité et ils ont une existence. Donc j'ai eu la chance d'être au début, de participer au début de ce mouvement-là. Et comme ils ont de l'argent de poche, ils peuvent acheter des disques et ils peuvent acheter Salut les copains, le mensuel, et avec chaque mois, en couverture, une photo de Jean-Marie Perrier, et puis d'autres photos de Jean-Marie Perrier à l'intérieur de ce journal. À tout à l'heure, Jean-Marie Perrier, pour la suite de votre nuit rêvée, et donc là, la nuit rêvée, votre nuit rêvée familiale, eh bien, commence.